Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette première émission du Radio Football Show, l'émission qui parle du football européen. Et je serai accompagné pendant une heure par Adrien. Salut Adrien, comment ça va? Bah, ça va très bien, merci Hugo. Et toi? Ça va super. Bonjour Douglas. Bonjour Hugo. Ça va? Ça va bien, ça va bien. Allez, on est ensemble pour une heure d'émission et on va au programme et au sommaire de cette émission. On va tout d'abord parler des championnats et du dernier week-end dans les championnats respectifs, dans les quatre grands championnats européens avant cette trêve internationale. On aura une petite transition avec l'Euro Express, c'est le résumé de plusieurs championnats étrangers. Et enfin, on parlera donc des sélections nationales et des matchs amicaux qui arrivent ce week-end. Nous aurons un petit débat qui sera les matchs amicaux de préparation sont-ils des indicateurs pour la compétition à venir, qui est ici la Coupe du Monde en Russie 2018. Et on terminera notre émission par le petit quiz du Wikiplayer en 5 points, les joueurs à découvrir selon leur carrière. Alors messieurs, on démarre cette émission avec le résumé des championnats respectifs et on commence par toi Adrien avec l'Allemagne et la Bundesliga. Donc tout à fait, donc la Bundesliga, c'était... Voilà, c'était la 27e journée ce week-end. Donc plusieurs gros matchs, voilà, on se rapproche de la fin du championnat. Tout va toujours bien pour le Bayern, les plus gros. Mais il y a eu un choc ce week-end. Oui. Il y a eu plusieurs beaux matchs ce week-end. Les rencontres d'abord de haut de tableau. Donc tout d'abord, il y a eu Leipzig-Bayern Munich, qui était un choc. Et ça s'est soldé parce qu'on se souvenait que l'année dernière, ça s'est terminé par un 4-3 de folie à la Red Bull Arena. Et là, cette année, ça a changé. La victoire était pour qui? Et la victoire cette année était pour Leipzig. Et surprise. Et oui, surprise. Mais même si cette équipe est très bien placée dans le classement, mais c'était une assez bonne surprise. Donc, pour petit rappel, Leipzig a été créé il y a 9 ans. Sa star s'appelle Timo Werner, qui a marqué 18 buts cette saison, qui est plutôt 18 buts toutes compétitions confondues. Rappelons que les deux équipes sont toujours engagées en Europe. Donc, face à Leipzig et en quart de finale en Europa League. Face à Marseille. Voilà, face à Marseille. Et ensuite, Munich est en quart de Ligue des Champions face au FC Séville. La surprise de la Ligue des Champions. Voilà. Et le match, un peu? Oui, un peu de résumé du match quand même. Voilà, tout commençait bien pour Munich, qui a marqué un but sur le remplaçant de luxe, Wagner, qui a un but de la tête, voilà, sur un très bon centre de Rames, qui revient très en forme ces derniers temps. Le Colombien qui va affronter la France demain soir. Voilà, tout à fait. Et alors ensuite, c'est le prochain joueur de Liverpool qui a égalisé. Voilà, c'est Naby Keita, tout à fait, qui marquait son 5e but de la saison. Après un très gros cafouillage dans la surface. Et tu nous en parlais, le buteur star de cette équipe est venu donner la victoire. Il s'agit de... Timo Werner, qui vient de marquer son 19e but cette saison sur une passe de Naby Keita. Le duo qui marche très bien. Donc le Bayern y est resté sur une sacrée longue série sans défaite. La dernière, ce serait pas face à Paris, quelque chose comme ça, dans les environs de cette période. Oui, c'est ça. Là, ils ont fait plutôt des matchs très faciles, face à Hambourg notamment, le dernier où il y a eu 6-0, d'autres matchs. Mais il y a une statistique qui est un peu affolante, c'est qu'en première mi-temps, ils n'ont tiré qu'une seule fois au but. Et c'était le but. Ah oui, d'accord. Bon. Donc on efficacité, voit, voilà, mais pas victoire. On a pu voir que les plus gros étaient remplacés pour un peu plus de repos, parce qu'ils étaient un peu fatigués, ils partent en sélection. Voilà. Et la Bundesliga qui s'est ouverte vendredi avec un Fribourg-Stuttgart. Voilà, tout à fait. Et un match qui était assez... c'était le derby de la Forêt Noire. Parce que les deux sont dans la même zone géographique. Voilà. Et c'est Mario Gomez qui a donné la victoire. Et oui, Mario Gomez qui est très en forme en ce moment. Très en forme avec l'Allemagne. Et il a marqué tout d'abord la première fois la 4e minute d'une tête, comme d'habitude, c'est son habitude. Et ensuite, il a marqué à la 75e. Et on a Mais entre-temps, il y a Peterson. Qui est en feu, oui. qui est nouveau dans le championnat et qui est quand même déjà... Ah, 13 buts, 3e. 13e but, voilà. Et c'est le deuxième meilleur buteur de Bundesliga. Aubameyang est parti. Voilà. Après, un très beau but, un petit lob du gardien. Voilà. Et le petit résumé de la journée, samedi, il y a eu 5 matchs. Il y a eu des résultats importants dans la course à l'Europe, dans le maintien. Bah oui, tout à fait. D'abord, Francfort a gagné 3-0 face à Mayence. Qui était, Francfort continue son petit bout de chemin. Ils sont bien, ils sont 4e pour l'instant. S'ensuit un spectaculaire Hoffenheim Borussia Mönchengladbach Hoffenheim, oui, six avec 6 buts, 6 buts, 3 partout. Voilà, tout à fait. Avec une erreur d'arbitrage assez énorme. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à la 35e minute, le joueur Drmic, voilà, j'ai bien prononcé, but, qui a marqué le but de Gladbach, avec une main. Ce qui peut sembler un peu... Mais en Allemagne, vous savez que la vidéo est instaurée. Oui. Donc l'arbitre a fait une pause, a regardé la vidéo et a accordé le but. Donc ce qui est un peu problématique et ce qui remet en cause la vidéo qui va bientôt arriver en France. Et vidéo acceptée également pour la Russie 2018. Voilà, tout voilà. À fait. Ensuite, il y a eu deux autres derbys. Schalke qui continue aussi sa bonne, bonne prestation. Victoire sur Wolfsburg. Et donc l'autre voilà, derby, ça. On passe à dimanche. Et voilà, dimanche, il y avait... on avait exceptionnellement trois matchs. Ouais, c'est ça, tout à fait. On avait un Borussia Dortmund Hanovre, match très, très, il y a très peu d'occasions, vraiment très très peu d'occasions, mais le Dortmund a assuré le point, a assuré les trois points. Voilà, et sur un but de Batshuayi. Encore. Et oui, toujours. Encore. Et on s'en suit la surprise du week-end. C'était quand même la victoire du FC Cologne, qui est 18e, et qui a battu le Bayer Leverkusen. À domicile? Et oui, à domicile avec... oui. Le stade était complet. Vraiment très, très... Voilà, les joueurs sont bien battus. Et... Il y a eu but tout d'abord d'Osako, qui en ce moment marque quasiment chaque semaine. Vraiment, qui revient très en forme. Et on s'en suit un but de Zoller un peu... litigieux. Non, un peu chanceux plus, parce que une mauvaise tête, il remplace. Il, après une mauvaise tête d'Aranguise, genre de Leverkusen, Zoller prend le ball, lobe le gardien et finit tout seul devant le but. Voilà. Très beau but. Adrien, tu penses que Cologne est sur la bonne voie pour se maintenir? Franchement, oui. Je pense parce que j'ai vu à peu près ce qu'il leur reste comme match. Il leur reste Mayence. Il leur reste que des équipes qui sont tout près de la fin. Quoi. C'est, par exemple, il y a Hambourg. On sait que c'est catastrophique. Même à la fin du match, lorsqu'ils ont perdu encore. Ils ont perdu face à... Ils ont perdu, c'était face à l'Hertha Berlin 3-1 sur leur terrain. Les supporters ont voulu rentrer dans les vestiaires pour venir taper. Ça nous rappelle quelque chose. Oui, voilà, les fans de Lillois. C'est ça. Et donc, ouais, ils ont entendu la fin et ils sont rentrés par l'extérieur et ont voulu rentrer dans les vestiaires des joueurs, mais ça a été bloqué heureusement. Et donc, Hambourg, c'est très dur. Donc là, c'est quasiment, ils ont plus le mental. Elle a jamais été reléguée cette équipe. Voilà, ce serait la première fois que c'est relégué. Avec l'horloge dans le stade. Oui, c'est ça. Ouais, et là, il y a aussi un autre problème à Hambourg, c'est qu'il y a une dispute dans le club. C'est que le choix, il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé et qui a décidé de privilégier les jeunes, de faire les jeunes de moins de 10, les moins de 19, les moins de 21 et tout ça. Et donc de virer, entre guillemets, les personnes qui étaient les vieux. Voilà. Il voulait trouver sa pépite, quoi. C'est ça. Mmh. Et en fait, bah, les vieux se sont révoltés et donc il y a eu la presse. Ça ressemble un peu à Lille encore avec Bielsa qui avait viré les... Le fameux loft. Ouais, le loft voilà. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est totalement ça. On les comprend. Donc, Adrien, petite donc, trêve. Pour finir, Cologne, voilà. Cologne, voilà, il y a de l'espoir encore. Il y a de l'espoir. Et à l'Europe aussi, c'est toujours aussi serré. À voir que quand même, Dortmund et Schalke mettent un petit trou de 3 et 4 points. Et ça va se jouer surtout pour la 4e place entre voilà. Francfort, Leverkusen et Leipzig. Et donc, mon petit pronostic, je pense que là, Leipzig commence un peu à s'essouffler. Je trouve sur le niveau, commence un peu à s'essouffler. Mais il faut se méfier. Je sens que le Francfort fait une très bonne saison. Je pense qu'ils vont tenir. Bon, le Bayern, bon, voilà, c'est sûr. Ils vont être très sûrement champions avec 15 points d'avance. Et voilà, après, c'est très serré entre Schalke, Dortmund et Francfort. Eh bien, merci Adrien. On va passer tout de suite à l'Angleterre. Merci. Avec toi, Douglas. Alors, je vais parler de la Première Ligue et du FA Cup. Et quand on entend cette annonce, c'est qu'on parle de la Première Ligue. C'est qu'on parle de la Première Ligue et là, FA Cup. Et on est en lien parce que le monsieur, bon, qui ne joue plus parce qu'il est blessé, mais son équipe a joué un match de FA Cup ce week-end. Oui, ils ont gagné qui c'est ? Contre Tottenham. Donc, c'est Tottenham. Ouais, bien sûr, ils ont gagné 3-0 face à Swansea. Victoire assez facile. Swansea qui est très bien revenu sous Carlos Carvajal. Un très bon coach, un coach expérimenté, encore assez jeune, portugais, très bon. Donc on s'est dit, Swansea peut être déjà sauvé, vu le niveau des autres équipes, mais Donc elle va peut-être mettre une bonne équipe en FA Cup pour affronter Tottenham, pour espérer passer en demi. Et comment ça s'est passé? Ça s'est très mal passé. Ils n'ont rien montré pendant le match. Tottenham a complètement dominé. C'était assez tranquille pour eux. Avec le Danois Eriksen qui a inscrit un doublé. Alors le premier but, assez amusant. Il prend la balle, il marche sur 50 mètres et les joueurs ne vont pas sur lui. On ne l'arrête pas et il tire et il marque très facilement. D'accord. Alors, dans cette samedi aussi, on avait un autre match. Les champions de Manchester qui se sont fait éliminer par Séville, ils jouaient face à Brighton. Ils ont joué face à Brighton, encore à l'image de Tottenham, assez facile. Victoire 2-0. L'événement du match, c'est Mourinho qui décide d'enlever Luke Shaw à la mi-temps et qui, en fin de match, tombe sur lui. On va dire que c'est de l'acharnement parce que ça fait très... très longtemps que Mourinho tombe sur Luke Shaw. Pour Mourinho, c'est le responsable de tous les problèmes. Voilà. Mais on voit que déjà, même les supporters face à Mourinho, déjà, il y a un gros problème. Alors, déjà, le style de jeu n'est pas fameux. Le style de jeu est moche. Le style de jeu ne correspond pas à la tradition de Manchester United. La tradition de United depuis Matt Busby, c'est quoi? C'est les ailiers, c'est les attaques rapides, c'est la contre-attaque. C'est un jeu très... c'est traditionnel, qui est propre au club. Et Mourinho, on avait peur que Mourinho instaurerait ce genre de style de jeu à son arrivée. D'ailleurs, le grand Bobby Charlton s'opposait à l'arrivée de Mourinho. Et on va dire qu'il a raison parce que, bon, il y a les résultats. Ouais, mais il n'y a pas la façon. Il n'y a pas la façon, voilà. Et ensuite, alors, dans ces autres quarts, on passe à dimanche avec un alléchant Leicester-Chelsea. Alors, le Leicester-Chelsea a un match pas trop mauvais. Deux équipes, franchement, au même niveau. Ça part en prolongation, donc. Et Pedro, d'une tête, en prolongation, qui scelle la victoire pour Chelsea. Un match assez compliqué, avec Morata qui marque aussi. Morata qui n'avait pas marqué en 2018. Et donc c'est un peu... Il se soulage un peu. Et on avait, entre guillemets, le petit poussé de la compétition Wigan. Alors, avec deux le petits fameux... poussés, en vrai. Alors, le fameux Wigan de Will Griggs, hein, les supporters irlandais à l'Euro s'en souviennent. Et Southampton qui est au fond du trou en Première Ligue. Donc, c'était un peu qui gagne ce match, sauf sa peau. Alors là, c'était, bon, Will Griggs, pas on fire. Hein, et Southampton, qui a eu du mal en première mi-temps, qui est bien revenu en deuxième période et qui a quand même gagné dans la facilité. Donc, en vue de leur classement en Première Ligue, Southampton, qui sont toujours relégables, ils sont 19e, c'est assez compliqué pour eux. Enfin, en Première Ligue, c'est très compliqué pour eux. Et donc, c'est vraiment une surprise qu'ils soient en demi-finale en FA Cup. Et ils tombent contre Chelsea, donc... Ouais, ça va c'est être une compliqué. Grosse surprise s'il passe en finale. Tu nous parles des tirages au sort, donc il y a Chelsea, ouais. Southampton, et en face, il y a quand même... Manchester, Tottenham. Tottenham. Et pour rappel, Tottenham, donc cette saison, ils jouent à Wembley. C'est leur stade en attendant qu'ils aillent au nouveau stade. Le nouveau White Hart Lane. Le Tottenham... Non, ça ne se rappellera pas. C'est l'ancien. Le Tottenham Hotspur Stadium. Bon, bah voilà. Certains disent oui, Tottenham aura un avantage, tout ça... non, le stade sera reparti en deux. Je pense pas qu'il y aura un avantage. Peut-être un peu avec. Ils sont habitués au stade, mais le stade sera bien réparti. Ce sera pas un désavantage pour United. Alors, en parallèle de cette journée, il y avait quatre matchs de FA Cup. De première ligue en parallèle de cette journée de FA Cup. Je vais commencer par West Brom. West Brom, c'est un désastre. Cette saison, c'est fini. Ils sont à 7 points. Ils sont derniers. Ah oui, c'est vraiment. Ils ont perdu 2-1 donc contre Bournemouth. Ils sont même à 10 points de West Ham. Oui, 7 points du 19e. Hein. Ouais, voilà, carrément, il y a quand même un écart. Hein. Et franchement, pour moi, c'est une surprise. Des joueurs de qualité dans l'effectif. Solomon Rondon, un bon attaquant, un joueur, je pense, qui partira dans un plus grand club, un Everton, un Leicester, peut-être même voire plus haut. Krikovia, qu'on connaît du PSG, de Séville aussi. Depuis le PSG, il n'a pas été au niveau techniquement, tout ça. Il n'a pas réussi à gérer le milieu de West Brom. Et en défense, ils ont Johnny Evans. Ancien de Manchester. City avait vraiment voulu l'acheter cet été. Arsenal aussi était sur les rangs. Sur les rangs, voilà. Et donc West Brom, oui, c'est vraiment ils sont vraiment finis. Et Alan Pardew, qui était venu en milieu de saison, je pense qu'on le verra, on le reverra plus en première ligue. C'est fini pour lui parce que il y avait une saison avec United, Newcastle United, où il les avait emmenés à la 5e place. C'était vraiment une surprise. Il avait gagné le trophée du meilleur entraîneur de la saison. Depuis, c'est chute libre. Il rentre dans les clubs. Il leur donne un petit coup de boost, comme Crystal Palace il y a quelques saisons aussi. Mais après, c'est vraiment désastreux. Et là, West Brom, il n'a même pas réussi à donner le coup de boost qu'il aurait fallu. C'est vraiment fini pour eux. Et là, ils ont un calendrier pas facile. Il y a Burnley, Manchester United, Liverpool, Tottenham. Bah, de toute façon, quel que soit le classement, c'est fini c'est pour fini, eux, je pense. Voilà. Ensuite, on avait un Huddersfield Crystal Palace. Alors, le Huddersfield Crystal Palace. Crystal Palace qui se sauve. Alors, on rappelle le début de saison de Crystal Palace. C'est 7 matchs sans victoire avec Frank De Boer, joueur de renom, coach moins. Et donc il se fait virer au bout de 7 matchs. Et Roy Hodgson, le fameux Roy Hodgson qui avait très mal mené l'Angleterre lors de l'Euro et de la Coupe du Monde, il est revenu et il a fait un sacré boulot. Parce que il a réussi à organiser l'équipe. La défense, elle est vraiment solide maintenant. Ils ont des problèmes de blessures, donc souvent beaucoup de blessures. Mais la star de cette équipe, la star qui sauve Crystal Palace, c'est vraiment Wilfried Zaha. Alors Crystal Palace a perdu tous ses matchs lorsque Wilfried Zaha était blessé et pas titulaire d'ailleurs. Et il concède plus, il marque moins sans Zaha et il marque plus et concède moins quand il est dans l'effectif. Donc sur les 10 matchs qu'ils avaient joués sans lui, ils avaient tout perdu. Donc c'est bien vu pour le maintien. Mm. On passe à Stoke Everton et enfin la recrue sur Cheng Tosun qui marche bien. Alors après quelques doutes à son arrivée au mercato d'hiver. Il avait mal démarré en provenance du Beşiktaş. Je pense que Sam Allardyce n'aimait pas le profil du joueur. Il a quand même réussi à l'intégrer à l'équipe et maintenant c'est 4 buts en 7 matchs. C'est pas mal. Qui a marqué un doublé pour la victoire face à Stoke. Et donc Stoke, je pense aussi que ça va être très compliqué pour eux. Ils ont perdu à domicile contre Everton. Alors Everton, déjà sauvé. Ils ont plus rien à jouer vraiment. Ils sont assurés du milieu de tableau à peu près, on va dire. Et ils sont à 8 points d'Arsenal. Oui, ils sont là où ils sont, ils vont pas bouger. Allardyce, il y a des doutes sur lui, est-ce qu'il va rester parce que le style de jeu n'est pas fameux. Et Everton, avec les investissements qu'on a eu en début de saison, on s'y attendait à plus quand même. Et donc Stoke aussi, c'est fini, ils ont changé d'entraîneur. Et ce qu'on remarque, c'est que presque tous les clubs en bas de tableau, ils ont tous changé leur coach en c'est un pari. Ils ont tous changé leur coach en milieu de saison et il y en a quelques-uns qui ont fait le coup, genre Crystal Palace et Swansea, mais sinon le reste, ça a vraiment pas marché. Et on termine par le récital du week-end. Le phénoménal. L'Égyptien magique, Mohamed Salah qui claque 4 buts. Et c'est la meilleure première saison de l'histoire d'un joueur dans l'histoire de Liverpool. Il est vraiment incroyable. Je pense qu'il va passer devant. Bah, il est déjà passé devant De Bruyne pour le meilleur joueur de l'année. Il n'y a plus grand monde. Oui, Harry Kane est blessé. Oui, mais l'équipe de Manchester City est vraiment très forte. C'est une des meilleures qu'on a vues dans l'histoire de la Première Ligue. Donc, il y a comme des joueurs qui ressortent le Roi Sané, De Bruyne. Ouais, mais là, ce qui fait. Voilà. Quand même, là, ce qui amène Liverpool. Et Mossala, c'est vraiment. Donc, Liverpool, ils en ont pris une Manita 5. Et Firmino a conclu le trio aussi, Salah. Oh oui, le Firmino, trio en feu. C'est complètement. Et les 4 buts de Mo Salah, c'est la première fois depuis André Arshavin en 2009 qu'un joueur met 4 buts en un match. En 4 tirs aussi seulement. C'est qu'il a tiré entre guillemets. Ses 4 premiers tirs, paf, ils étaient dedans. Bah, merci Douglas. Donc là, repos. Hein. Donc on sait que l'Angleterre n'a pas son canonnier préféré à Harry Kane. Donc Harry on verra Kane, comment ça va se passer. Mais bon, il va revenir vite. Hein. On en parle dans un instant. Donc là, on va passer à l'Espagne et la 29e journée du championnat de la Liga. Golazo de Cristiano Ronaldo para el Real Madrid. Et voilà, alors cette 29e journée de Liga qui a commencé par un Levante-Eibar. Donc c'était un petit duel. Alors Eibar qui souhaitait accéder aux places européennes, bon là ils ont été freinés par Levante qui entre guillemets réussit un peu à sauver sa peau et qui prend 6 points d'avance sur le premier relégué Las Palmas. On a eu Valence qui continue d'enchaîner à domicile au stade Mestalla, 3 buts à 1 contre le Deportivo Alavés. Donc là hein, les Valenciens qui continuent leur bonne série à domicile. Leur coach hein, Marcelinho avait dit si on réussit si on gagne tous nos matchs à domicile, la Ligue des Champions est à nous. À savoir un but de Rodrigo, Zaza qui a enfin remarqué. Zaza qui a aussi délivré une passe décisive pour Rodrigo. Le samedi soir, on a eu un Betis Séville Espagnol Barcelone où les Sévillans se sont amusés 3-0, se sont baladés. Ils sont seulement à 2 points de Séville pour la 6ème place à 43 points. Donc là aussi une belle surprise hein, ils avaient un peu mal commencé la saison, mais une belle surprise, une belle remontée au classement. Donc on leur souhaite tout l'espoir pour cette fin de saison. Barcelone hein, qui continue sa marche en avant en s'imposant à domicile face à l'Athletic Bilbao, bon, qui est catastrophique cette année. Paco Alcácer a marqué vu qu'il était titulaire, et Messi qui enchaîne encore une fois de plus les buts et les passes. On a eu un Celta Vigo Malaga qui s'est soldé par un score nul et vierge. Alors Malaga qui tente de résister pour ne pas sombrer en deuxième division, mais ça va être très dur. Ils sont tout simplement à 13 points du premier non relégable. C'est fini, y a quasiment plus rien à faire. Tandis que Celta Vigo a laissé un peu sa chance hein, passer parce qu'on a plusieurs équipes à 39 points. Et dont Vigo, si vous auriez pu passer à la 9ème place à seulement encore 3 points de CI, donc vous voyez que c'est très serré aussi pour la dernière place européenne. Vigo donc qui loupe le coche. Aussi un match nul, alors là c'est vraiment le bas de tableau du bas de tableau. Deportivo La Corogne, Las Palmas un partout. Bon les deux équipes ils n'avancent pas, on peut quasiment dire qu'on connaît limite les 3 relégués pour la saison prochaine. Une autre. On peut voir, mais peut-être Las Palmas peut se sauver, parce que les Vantés, ils ont 6 points d'écart, peut-être qu'ils peuvent, dans leur dernière ressource, se sauver. Voilà, ce sera au vu du calendrier. On a eu un Real Sociedad Getafe, et la Real Sociedad qui n'arrive pas à enchaîner, et c'est Getafe quand même le promu qui fait une superbe saison, qui sont venus s'imposer 2 buts à 1. La surprise, 2 surprises de la journée quand même, c'est Leganés qui a battu Séville qui avait éliminé Manchester United. Ils ont perdu 2 buts à 1. Alors Séville a été réduit à 10. Bon, en fin de partie, ça n'a rien changé. Vraiment un match complètement maîtrisé par les Ganes. Et une autre surprise quand même, messieurs, l'Atlético qui a perdu seulement pour la 2ème fois de la saison. Villarreal, c'était à Villarreal, chez le sous-marin jaune. Bon, on sait que c'est difficile les déplacements, mais quand même. Alors là, il y a l'Atlético qui laisse un peu échapper le Barça. Ils seront quand même à 11 depuis points. Depuis la défaite, 1-0 contre ces mêmes Barcelonais. C'était quasiment joué. Et le Real qui remonte bien. Eh ben, ils sont plus qu'à 4 points. Alors qu'on pensait qu'au départ, qu'ils étaient finis et tout, qu'ils n'avaient pas remonté. Mais là, ils sont à 4 points de l'Atlético. C'est toujours mieux en deuxième partie de saison, hein, le Real. Ouais. Là, voilà, bah, on voit en fait, hein, il y a Valence et l'Atlético qui mettent la pression sur le Real, et ben, ça nous fait une belle petite brochette de 3 en 5 points, donc rien n'est joué. Donc voilà, le Villarreal qui s'impose. Et le carton de la journée, bah, c'est pour les derniers restants dont on parle à l'instant. Le Real de Madrid, 6-3, score de tennis, hein, face à Giron. C'est dommage, hein, Giron, ils sont bien placés pour aller en Europe, mais après, bon, ils tombent sur le Real. C'est quand même le Real. Voilà, ils tombent sur le Real. Et surtout, un super Cristiano qui en a mis. Qui n'arrête pas d'enchaîner quand même. Hein, il est revenu quand même à 22 buts. Hein, avec un quadruplé. Quadruplé, voilà. 4 buts. Et sur ces 4 derniers matchs, c'est 2 buts, 1 but, 2 buts, 4 buts. Alors, une machine, bon, c'est Ronaldo. On le connaît tous, voilà. Donc cette journée de Liga qui nous a laissé quelques petits enseignements, bon, à savoir que Barcelone se dirige vers le titre, que tout en bas, Malaga s'est quasiment joué aussi. Sinon, pour l'Europe, ça n'a pas trop bougé, à part Villarreal qui fait la bonne opération, qui passe devant Séville. Et voilà, sinon vraiment, une journée classique en Liga. Douglas, on revient vers toi et on va passer au calcio, à nos amis transalpins, les Italiens. Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro, gol! Alors, en Serie A, c'est encore une fois le titre, on va dire, relancé par rapport à la semaine d'avant où on disait que Naples avait trébuché et que la Juve, c'était quasiment sûr maintenant. Mais, surprise, la Juve n'a pas réussi à battre le SPAL, équipe de la ville de Ferrera. Et le SPAL a vraiment bien joué. Ils ont empêché le jeu de la Juve. Ils ont étouffé Higuain et Dybala avec leur trio défensif. Un match pas très beau match, mais 0-0. Ouais, 0-0. Voilà. voilà. Donc Naples qui a su gagner 1-0 face à Genoa. Le titre, on va dire, est relancé. Deux points d'écart. Et Naples qui a réussi à trouver la victoire. C'est quelque chose qu'ils ont réussi à faire toute la saison. Et là, les deux clubs, Juve et Naples, ils sont bien partis pour aller bien loin dans les 90 points, on va dire, ce qui est énorme. Oui. Voilà, déjà, ouais. On avait une sacrée concurrence avec la Roma l'année dernière, mais là, ça dépasse tout. Et on donc la Roma, qui gagne 2-0 Roma. Face à Cagliari. Crotone. Crotone. C'est, oui, c'est okay. Crotone, c'est Cagliari, ils sont imposés face à Benevento. D'accord. Un petit lapsus. Et ils sont confortables maintenant en 3ème place. La Roma, je pense que la Ligue des Champions s'est confirmée pour eux. Avec les 4 places maintenant disponibles en Serie A, les buts de El Shaarawy et Nainggolan. Et donc la 4ème place, ça se joue encore entre l'Inter, la Lazio et le Milan. L'Inter qui est passé devant la Lazio. Qui ont rousté la Sampdoria. Voilà. En 8 temps. Les 4 buts de Icardi, comme Mossala, comme Ronaldo d'ailleurs. Voilà, ils se sont donné ce week-end. Et maintenant, ça fait 100 buts, bon, plus maintenant, pour Icardi en Serie A. Et je vois plus l'Inter confirmer la 4ème place que la Lazio. La Lazio, récemment, elle a eu du mal. Qui a fait match nul à l'Olimpico face à Bologne. Et le Milan. Et le Milan qui continue à gagner dans la difficulté aussi, le 3-2 contre le Chievo. Et le Chievo aussi, on va parler du bas de tableau. Le Chievo, ça se joue à 4 clubs en bas. Bon, on va dire 3 parce que le Benevento... Qui ont mené jusqu'à la combientième et qui ont perdu 2-1. Tu disais le Chievo, ça joue entre le Hellas Vérone, le Chievo et le Espal. Et encore Crotone. Oui. ouais. Et bon, en vue des performances de Chievo, ils ont bien joué là contre Milan, mais leur attitude dans le derby la semaine d'avant ne montre pas qu'ils vont être capables de se sauver. Derby qu'ils avaient perdu 1-0 face au Hellas. Voilà, donc une journée aussi assez tranquille. Bon, il y a eu des gros scores, mais ça s'est bien passé. Le titre est encore là, le titre est encore à jouer. Et Icardi se rapproche du meilleur buteur, qui est Immobile. Voilà. Eh bien, messieurs, on a fait ce résumé des grands championnats. On va tout de suite passer à l'Euro Express, le résumé des plus petits championnats des plus petits championnats étrangers. Et on va commencer tout d'abord avec Adrien. Tu nous parles de... L'Autriche. Et que s'est-il passé en Autriche? Alors, tout d'abord, les matchs, tout simplement. Il y a eu la 27e journée aussi. Est-ce que Salzbourg continue son hégémonie? Salzbourg a éclaté l'Austria Vienne. Ouais. Ah oui, il y avait le fameux classique. Bah, l'Austria Vienne maintenant qui est quand même... Qui est très mal. Qui est assez mal. C'est ça, qui est vraiment assez mal et tout. Ah oui, alors... On arrive 5-0. Ouais, je vois ça. 5-0. Ouais. Voilà. Non, c'était assez inégal. Alors, la saison dernière, c'était le Rapid Vienne qui était en difficulté. Et ça s'inverse maintenant avec l'Austria Vienne. Un Rapid de Vienne qui est 3ème. Ouais. Voilà. Sturm Graz l'a surprise encore. Ouais, oui. Sturm Graz toujours. Ensuite, Sturm Graz qui a battu Altar 1-0. Après, en autre gros score, il y a eu le Rapid de Vienne qui a battu le AC. Wolfsberg, le last link qui a battu Mattersburg 3-1. Et voilà. Et Donc Salzbourg en direction pour le titre. Douglas, tu nous parles de quel autre petit pays? Alors, je vous parlais d'un des derbies de Prague. Donc Sparta Prague contre Slavia, peut-être le plus connu. Et match de folie dans la neige, chaotique. Donc 3-0 à la mi-temps pour Sparta qui dominait le match, qui gérait le match. C'était quasiment sûr. C'était la première fois en plus de 10 ans que... le Sparta a mis plus de 3 buts face au Slavia. Début de match, le terrain, bon, il faisait très très froid, hein, mais toujours pas de neige. à la mi-temps, il commence à neiger, on ressort et la neige vraiment tombée et le match change. La neige est un peu symbolique de l'arrivée de Slavia dans le match et qui réussit à remonter à 3-3. Alors un but inscrit à la dernière minute de Milan Škoda sur penalty, un penalty peut-être litigieux. Et le titre est joué ou pas ? Alors le titre est joué depuis très longtemps avec Victoria Pilsen qui s'était imposé ce week-end. Voilà. Et là on part en Turquie. Alors là c'était week-end de gros choc hein, en Turquie, où on a eu tout d'abord un magnifique Fenerbahçe Galatasaray qui s'est soldé par un 0-0 comme au match aller, où on a eu un magnifique tifo de tout le stade. Ça, les Turcs, en termes d'ambiance, ils savent faire. C'est sûr. Donc, à ce moment-là de la journée, les Stambouliotes de Galatasaray se disaient c'est la bonne opération du week-end, mais. Le lendemain, on avait un Başakşehir Beşiktaş, et ça aussi, il valait très très cher. Et c'est les locaux de Başakşehir qui l'ont emporté 1-0 face à Beşiktaş, un but d'Elia. Alors qu'ils ont joué quand même quasiment toute la seconde période à 10 contre 11, hein, mais qui ont su résister aux assauts des hommes de Anderson Talisca ou encore Giuliano, de les anciens coéquipiers de Cenk Tosun. Pardon, et au classement, c'est très serré. Galatasaray qui est à 54 points, Başakşehir qui est à 53 points. Après, on a quand même un petit écart de 3 points avec ces mêmes Beşiktaş à 50 points. Et le Fenerbahçe, bon, qui aurait dû, enfin, qui devait gagner pour consolider cet espoir au classement pour le titre, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, il reste quand même à 6 points du leader Galatasaray. Donc, voilà aussi un championnat très, très, très important pour le titre. On connaît déjà le dernier qui est avec 12 points seulement, qui a 12 points du 17e. Ouais, Karabükspor et Konyaspor, ouais. Ça passe très mal. Douglas, oui. En Pologne, le Legia a perdu 2-0 sur sa pelouse face au Wisla Cracovie. Et elle a très mal joué. Alors, le Legia qui prend du retard maintenant dans le classement, le Jagiellonia, donc passe à 4 points d'avance. Après une victoire 3-2 assez remarquable contre l'Arca, ils ont marqué 2 buts dans les dernières minutes pour s'imposer 3-2. Et le Legia, maintenant, cette saison, bah, ils ont un très mauvais ratio chez eux contre les autres grands du championnat. Donc une victoire surprenante, mais pas forcément surprenante en vue des autres résultats à domicile. Donc là, merci messieurs, on va passer à la deuxième partie de l'émission et on va parler en trêve internationale oblige des sélections nationales avec les principaux matchs. Hein. Alors là, on va parler de notre joyeux pays qu'est la France qui va affronter demain soir au Stade de France la Colombie. Et on va parler aussi de ses concurrents, mais aussi des gros matchs qu'il peut y avoir entre les différentes sélections. Alors, on vous donne quand même quelques matchs au calendrier. Alors ce soir jeudi 22 mars, on a l'un des adversaires de la France, le Danemark de Christian Eriksen, qui affronte un autre qualifié pour la Coupe du Monde, les Panama, hein, qualifié surprise. Oui. Demain à 17h, la Russie qui va affronter le Brésil. Bon, ça, un match amical, un peu de gala. Alors, voilà, c'est ça, parce que comme la Russie s'est préparée des matchs de gala. Hein. Voilà, oui, ils se sont dit, hein, au moins pour aller jouer. Au moins, c'est plaisir. C'est un match d'ouverture contre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Bon. Voilà. L'Australie de Tim Cahill qui affronte la Norvège à 18h. Alors ensuite, Douglas, l'Angleterre, ils affrontent. Alors l'Angleterre, ils vont affronter deux équipes qui ne sont pas qualifiées pour la Coupe du Monde, donc les Pays-Bas et l'Italie. Les deux malheureux en fait. Ouais, les deux qui sont dans le dur. Voilà. Adrien, quant à l'Allemagne, elle affronte l'Espagne. Quelqu'un qu'elle connaît bien, et l'Espagne. Oui, l'Espagne, oui, c'est vendredi 23 mars. Et puis elle affrontera ensuite le Brésil le mardi 27 mars. Match aussi, surtout pour le retour Allemagne-Brésil, quand même le retour du Satan à la Coupe du Monde. Voilà. Petite chose à noter que Joachim Löw n'a pas sélectionné Reus et Götze, qui est une surprise. Bon, Reus, il revient de blessure, Götze un peu en difficulté. Löw avait précisé pour Reus que en vue de sa blessure, il voulait pas le rappeler tout de suite. Voilà. Et en fait, mais il y a aussi, on peut noter le retour de Mario Gomez, comme j'ai dit, qui fait un très bon retour avec le VFB. Voilà, très mérité. Et noter qu'il y a aussi Jonas Hector, le joueur de Cologne. Voilà. Oui. Alors moi je voudrais préciser quelques détails sur l'Angleterre. Et donc... Une Angleterre un peu allégée. Hein. Alors allégée, oui, sans Kane. Vraiment, Kane, c'est le joueur de classe mondiale dans cette équipe. Mais, ouais. Largement au-dessus des autres joueurs, je pense. Mais donc l'entraîneur, le sélectionneur anglais Gareth Southgate, un jeune entraîneur dynamique qui n'a pas forcément réussi en club avec Middlesbrough, mais qui a bien géré les équipes jeunes d'Angleterre auparavant et qui a fait un début de qualif un peu compliqué. Oui, après, mais alors les qualifs, on se qualifie toujours et. Oui, bon, après on connaît l'Angleterre, ça va pas très loin. Donc, Southgate qui essaye de trouver encore son style pour cette équipe. Et alors, il hésite entre la défense à 3 qui était la mode en première ligue. Les joueurs sont peut-être habitués à ça, donc il va tenter ça ou sinon il tentera autre chose. Mais en tout cas, il est toujours pas sûr de son effectif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs sélectionnables qui ont à peu près le même niveau. Je pense qu'il va être très compliqué pour lui de choisir ses 23 pour la Coupe du Monde. Et. Mais le plus gros dilemme maintenant, ce sont les gardiens. Il y a du monde au poste, mais il n'y a pas les mêmes talents. Il a sélectionné, alors les quatre gardiens qu'il a sélectionnés, donc on le rappelle, Joe Hart, Jack Butland, Nick Pope de Burnley et Jordan Pickford. Alors, Joe Hart, c'est un peu la surprise, il n'a pas du tout joué en 2018 avec West Ham, remplacé par le gardien Adrian. Alors... On va dire que les trois gardiens qui seraient en lice, ce serait vraiment Butland, Pope et Pickford, mais à peu près tous sont le même niveau. Pope, je pense qu'il s'est démarqué, alors que Pope, on ne le connaissait pas du tout. Il est arrivé avec la blessure de Tom Heaton en début de saison. Il a su prendre sa place vraiment, vraiment très bien. Il s'est montré performant, tout ça. Et je pense qu'il devrait être le titulaire. Alors après, Butland et Pickford sont des espoirs. On disait d'eux que ce sont des futurs grands. Butland a eu des problèmes avec sa main, notamment avec des blessures à la main qui l'ont empêché de bien jouer régulièrement. Et deux autres aussi qui seraient peut-être envisageables, ce serait Tom Heaton, le gardien de Burnley, qui est blessé. Alors s'il revient, est-ce qu'il sera déjà titulaire à Burnley? Je pense que ça va être très compliqué pour lui. Et l'autre gardien, c'est Fraser Forster. Il y a quelques saisons, très grand, je pense qu'il était, quasiment sûr d'être titulaire pour l'Angleterre. Mais ses performances cette saison, à l'image de Southampton, n'ont pas été très bonnes. Et il a été remplacé par Alex McCarthy dans les buts. Alors, merci pour ces précisions. Dans les autres matchs, on a la Pologne de Lewandowski qui affronte le Nigeria. On a un choc aussi, bon, les Italiens qui affrontent l'Argentine. Donc bon, c'est plus un match de prépa pour l'Argentine. Alors l'Italie qui se fait aussi des matchs de gala, hein, avec, comme disait Douglas, l'Angleterre juste après. Un Portugal-Égypte qui a l'air très alléchant entre les deux, ouais, les entre, deux, pour les voir deux ce que vaut, but, ouais, voilà, Salah et Cristiano Ronaldo. Pour voir ce que vaut en équipe. Voilà. Un Mexique-Islande aussi qui pourra déterminer les forces en présence d'un, entre guillemets, petite nation. Hein, enfin, petite nation... d'Islande plutôt que le Mexique. Et le dernier adversaire de la France, le Pérou, qui affronte la Croatie de Luka Modric. Là aussi, ça nous donnera un petit indicateur. Messieurs, je vais vous parler d'une liste, celle de Didier Deschamps, la fameuse liste des 24. Alors, les choix pour ces deux matchs préparatoires, qu'en pensez-vous? Bah, tout simplement que l'équipe, on voit que ça se précise, on voit que... Il y a quelques surprises. On voit que Didier Deschamps tente des choses, comme Wissam Ben Yedder, qui avec Séville qui est a très réussi, régulier. Voilà, qui est très régulier et qui, grâce à un match de Séville, a montré que voilà, qu'il peut avoir sa place en équipe de France. Ensuite, on peut voir que en attaque, ça correspond comme à chaque fois, en milieu aussi. Peut-être on peut noter la deuxième arrivée de Benjamin Pavard. Et la surprise quand même de Lucas Hernandez. Il y avait un litige avec l'Espagne, mais voilà. Didier Deschamps s'en est... a suivi le dossier et s'en est chargé. Mais avec le problème des latéraux, moi je trouve ça assez logique qu'il aurait... Enfin, il a tenté, il a réussi à appeler Lucas Hernandez. Quand on voit la forme des autres latéraux, Kurzawa, bonsoir. Tout ça, Sébastien Corchia... à ma vie, c'est pas fameux. Je pense qu'il a réussi, il a fait une bonne réussite en appelant Hernandez. Ce serait un bon, l'idéal d'ailleurs, peut-être. Après, titulaire. Il joue pas trop avec le Real. Après, c'est peut-être. Il y a parfois des joueurs qui ne jouent pas trop avec les sélections. Qui ne joue pas trop avec les clubs, mais qui réussissent avec les sélections. Oui, Douglas. Lucas Hernandez qui joue à l'Atlético. Oui, pardon, oui. C'est son frère. C'est oui. le lapsus. Facile Théo. De confondre. Hein. Voilà, c'était. Ouais. Non, Théo le latéral. Ouais. Oui, alors voilà, Lucas qui joue un peu plus quand même. Au milieu de terrain. Après, sur les attaquants, Wissam Ben Yedder, je pense qu'il l'a appelé tout simplement parce qu'il y avait des blessés. Hein. Comme Lacazette. Oui, Lacazette, Fekir, Gamero à la limite. Mais bon, moi j'ai du mal à voir Ben Yedder à la Coupe du Monde. Allez, c'est juste de passage. Plus enfin le timing était bien. Oui, le timing était bien. Oui, mais après, si il n'est pas titulaire à Séville. Hein. Oui, mais il fait des bonnes rentrées. Oui, voilà, des bonnes rentrées. Oui, ça c'est très et intéressant. S'il montre face à l'équipe de France qu'il a une meilleure place, qu'il arrive à marquer des buts, il peut engranger des grands points. Oui. C'est vrai. Donc voilà. Sinon, c'est du classique. Voilà. Alors, il y avait un peu le dilemme au milieu de terrain, mais il est resté dans le classique. Didier Deschamps, Paul Pogba, Matuidi, Rabiot, Tolisso, Kanté. Et Lemar, alors Lemar qui revient de blessure, qui va mieux avec Monaco, voilà. Tolisso qui fait une bonne saison avec le Bayern, oui, voilà, qui fait une bonne saison. Voilà. Après, il y a peut-être le choix des gardiens, bon, il n'y a pas trop. Oui, le débat peut-être peut se poser sur Mandanda titulaire ou Lloris. Voilà, je pense que ce sera Lloris. Alors oui, peut-être Lloris au premier Deschamps, match. Il a quand même ses tauliers qui préfèrent mettre tous les coups. Donc, voilà. Après, le troisième gardien, Alphonse Areola, c'est juste pour la. Voilà. Mais il faut, je pense que plus tard, il faut lui laisser le temps. En vue de l'Euro, je pense que ça peut être, c'est un peu tôt, je pense. Pour encore, le troisième gardien, réellement, qui est-ce qui pourrait venir à la place on a quand même un Mandanda qui est assez vieux, Lloris qui commence. Pour le troisième, le poste de troisième gardien qui sert un peu à rien, on va dire. Il y a Benoît Costil. Vu ce qu'il fait avec les Girondins, c'est pas fameux. Bon, Ruffy ne veut plus venir. Il boude. Albon Lafont, peut-être, non ? Peut-être, mais je pense que Lafont, il faut qu'il confirme dans un autre club. Il change. Il faut qu'il aille dans un club qui autre que Lafont. Parce que oui, on voit des talents. Il y a beaucoup de gros clubs qui sont sur lui. Voilà, donc des listes. Bon, une liste assez classique, hein, vraiment. Donc, vous pensez comment ça va se passer pour la France face à la Colombie vendredi et la semaine prochaine face à la Russie, Douglas ? Colombie. Je pense ça va être des matchs peut-être chiants. Surtout face à la Colombie, moi j'ai du mal à voir des matchs, des beaux matchs. Quoi. Bah, la Colombie quand même qui régale. Enfin, oui, on mais l'a Deschamps, vu. C'est des matchs de préparation, on ne prend pas au sérieux tout ça. Est-ce que vraiment ils vont tenter des choses Ce sera à voir dès demain soir sur TMC. Adrien, un petit mot, peut-être sur la Russie. Je pense que ils font des matchs de gala en ce moment, ils font des beaux matchs et tout, mais je pense que ça va rien montrer non plus. Je pense comme Douglas que en c'est. En fait, ils veulent se préserver. Enfin, oui, mais parce que moi je trouve ça peut être aussi risqué que si on commence à tenter des choses et tout et qu'ils se blessent, après ça peut vraiment coûter cher sur la suite. Oui, mais il y a cette question de certains qui ont leur place à jouer quand même. Enfin là, il y a beaucoup de blessés. Ouais, mais il faut déjà qu'ils jouent. Oui, c'est sûr qu'il y en a des joueurs comme Benedetti qui veulent se prouver. Voilà, regardez, on a Martial, bon, qui fait une saison assez bonne à Manchester United, mais qui n'est pas non plus tout le temps sur titulaire. Voilà. Mais il faut voir même si Dembélé qui revient. Alors en Dembélé, on aimerait bien cette attaque. Hein. Dembélé, Griezmann, Mbappé, ça ce serait à tenter. Voilà. Après, on sait. Jamais fait. Ouais, on sait qu'il est frileux, le sélectionneur. Mais voilà, il y en a qui ont quand même leur place à valider. Ouais, mais c'est tout tient au choix de Didier Deschamps de mettre les 11 pour tenter des choses pour laisser la place aux autres. Et voilà. Alors en question de ces sélections nationales, bon, des beaux matchs. Après, la question qui va venir, est-ce que cela, ça veut tout dire les matchs amicaux de préparation qui sont un ou deux mois avant la grande compétition sont-ils des véritables indicateurs pour l'échéance à venir, donc ici la Coupe du Monde en Russie. Douglas ? Alors moi je ne pense pas, parce que quand on voit des équipes comme l'Allemagne, les grosses équipes, elles font tourner. L'Allemagne, à mon avis, n'a jamais pris au sérieux les matchs amicaux. Oui, ça, totalement. Quand on voit que... Ils font des choix, ils se font plaisir, mais ils prennent pas du tout au sérieux. Et d'ailleurs, à l'inverse de l'Angleterre prend toujours ses matchs amicaux au sérieux. Elle fait des bons résultats, mais quand elle arrive à la Coupe du Monde, c'est très décevant. Ça fait des faux espoirs. Et surtout contre l'Allemagne, on a souvent battu l'Allemagne, l'Angleterre a souvent battu l'Allemagne, ou a souvent fait des bons résultats. Mais c'est toujours un... Ça pose des dilemmes. Moi, je pense que ça dépend des choix des coachs. S'ils veulent vraiment faire jouer, ça peut être vraiment intéressant pour tester des nouvelles options qu'ils ne testeraient pas avant. Et en plus, là, comme on est tout proche de la Coupe du Monde, c'est assez intéressant de voir, de voir ceux qui ont faim, quoi. Les équipes qui ont faim, qui vont essayer de se battre, de se défoncer pour voir les premiers. Les sélectionneurs ne veulent peut-être pas révéler non plus leur schéma de jeu, leur tactique, tout ça avant le mondial, quoi. Oui, mais je pense que ça peut être. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, ça peut être intéressant de montrer quand même. De montrer un tout petit peu, de laisser par exemple pour l'équipe de France, de mettre soit un Thauvin ou un Ben Yedder, qui peut peut-être apporter quelque chose. Si ça ne marche pas, on verra. Mais laisser leur chance, quoi. Faut vraiment laisser leur chance. Et puis honnêtement, quand on voit Belgique par exemple, ils prennent pas du tout au sérieux avec leur match contre l'Arabie Saoudite. Oui, c'est ça, c'est les affiches. Parce qu'il y a des matchs, c'est le Panama ou le Pérou qui font les équipes. Ils pourront un peu s'amuser, mais sans plus. Voilà. Voilà, donc on attend quand même le début de la compétition. C'est sûr. Le Russie-Arabie Saoudite. On l'attend avec beaucoup d'impatience. Donc voilà, donc pour vous, sincèrement, les matchs amicaux, ils sont pas très très importants. C'est plus pour décider. T'habituer les joueurs coéquipiers, tout ça. Voilà. Donc messieurs, on va passer à notre quiz, le Wiki Player. Donc les règles sont simples. Vous avez 5 joueurs à trouver, celui qui marque le plus de points a gagné forcément. Donc, je me suis entraîné. Tu t'es entraîné, Adrien ? Oui. C'est bien. on sait que Douglas est un grand pro. Qui est très, très, très, très bon. Alors voilà. Alors on va passer. Dur. On va passer au Wikiplayer. Le petit quiz. Vous êtes prêts ? Toujours. On va commencer par un joueur du championnat anglais. Ouf. Vous êtes prêts ? C'est la parti. Musique. Donc, je suis joueur anglais. Messieurs. Oui, mais tu l'as dit. À vos micros, à vos buzzers, attention. J'ai commencé ma carrière dans le club de Walsall. Et j'ai rejoint Watford en 2010. Je suis un attaquant anglais, je n'ai rejoint que ces deux clubs. Combien de sélections ? Comment ? Ah, des sélections, je n'ai pas le nombre de sélections. Je vous donne un indice. Donc, il est attaquant à Watford en ce moment. Troy Deeney ? Eh ben, c'est bon. C'est la bonne réponse, Douglas. D'accord. C'est la bonne. Bien joué. Je pensais qu'il avait joué dans plus de clubs, mais donc, seulement visiblement pas. Voilà. Ça commence mal. Adrien, s'il te plaît. Je vais me concentrer. Attention. Deuxième point. On part en Espagne. Suis un gardien espagnol. Oui. Qui a commencé sa carrière en 2011. Avec 36 matchs au Séville FC. Sergi Ruito. Deuxième point pour Douglas. Ça fait 2-0, Adrien Plumé. Et voilà, que golasso, que pasito. C'est Douglas, le 2-0. On passe en Italie. Messieurs. Et alors là, ça va être la carrière. Pression. La carrière va être beaucoup plus longue. Ah, donc c'est un grand joueur. Merci. C'était. Ah, merci. J'ai commencé ma carrière en 2004 à Cesena. En 2005, je vais à Forlì. En 2005 aussi, il a fait beaucoup de clubs. Je vais à Bellaria. En 2007, je change de club et je vais à Pavie. En 2011, je vais à la Juventus. En 2013, je quitte la Juventus pour l'Angleterre et je vais à Sunderland. De Sunderland, je m'en vais à Bologne. Je fais un début de carrière à Naples et je suis prêté au Chievo Verona. Giaccherini. C'est 3-0, Douglas. Douglas qui écrase tout. Bien joué, Douglas. Adrien. Sans commentaire. Les deux dernières, là. Sans commentaire. Hein, les deux dernières. Non. Attention. Bonheur. On passe en Allemagne, Adrien. Normalement, là, ton domaine de prédiction. Bon. Là, Adrien, il faut... Là, normalement, c'est bon. Là, il faut espérer. Alors, L'Allemagne. Douglas a peut-être tout gagné. Hein. On vous dira, s'il y a 4-0, on fait une mention spéciale. Attention. Adrien. Le stress. C'est maintenant. Ouais. Joueur du championnat allemand de Bundesliga. Ok. Je suis brésilien. Je commence ma carrière au Brésil à Alvorada FC. Je vais au Juventus TD en 2005. En 2005, je rejoins le Werder Bremen. En 2012, je vais à Wolfsburg. Dante. Douglas Santos. Nando. Naldo. Ça fait 4-0 pour Douglas. Il a trouvé Naldo. Adrien, c'est quoi ça? Adrien Naldo. J'avais même pas terminé. En 2016, il rejoint Schalke où il fait une très bonne saison actuellement. Mais oui, mais j'avais son visage, mais pas le nom. C'est bizarre. Et attention, messieurs. Là, c'est la belle. C'est la belle. Comme il y a un 4-0, où on l'a fait la mention spéciale. Coupez le micro de Dougie, s'il vous plaît. On fait la mention spéciale. Celui qui marque, c'est 5 points ou 1 bon, pour Douglas, la totale. Attention. Alors là, on part aux Pays-Bas. Oui, on change. On part aux Pays-Bas. Je commence ma carrière en 2002 au PSV Eindhoven. En 2003, je vais à Quelle nationalité ? Néerlandais. Les Néerlandais. Non. J'en veux faire. Ensuite, Robin van Persie. Ensuite, je vais... Messieurs, on se calme, c'est le dernier point, s'il vous plaît. Je vais à Heerenveen en 2004. Je vais Huntelaar. Et oui, 5-0. 5-0. 5-0. Bravo Douglas, Adrien. Non mais bravo, mais bravo, très fort. Très, Adrien, très fort. La manita pour Douglas. Excellent. Arrêter ce jeu, non ? Bah on va peut-être penser à un autre format parce que Adrien ça commence à... enfin c'est la première. C'est compliqué. Il y a déjà eu un entraînement, ça a été compliqué. Mais et gagné. Je vous remercie messieurs pour cette grande première qui sera dès demain sur Facebook, hein, rejoignez notre page le Radio Football Show et également sur Twitter au même nom @radiofootballshow. Merci. Radio Foot Show. Foot Show. Voilà, show, attention. Ça rentrait pas dans les 140 caractères, c'est ça. Dans les 15, oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, merci Douglas. Merci Hugo. Merci Adrien, à vous deux. Et oui, merci à toi. Et voilà, merci à Samy pour la réalisation et les jingles. Et bien, on se retrouve dans une semaine, même heure. À bientôt. L'émission demain, dans la matinée, sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team.